إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال ابن كثير رحمه الله تعالى والخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرعبة والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستعاثة والذبح والنظر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لبرهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين طيب لوتير شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى دي Le Seigneur, c'est celui qui est adoré. La preuve est ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit selon le sens des versets. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé. Celui qui vous a créé vous et qui a créé ceux qui étaient avant vous, peut-être atteindrez-vous la piété. Et celui qui a fait de cette terre comme un lit pour vous et qui a fait le ciel comme un toit. Et qui descend une eau venant du ciel, et qui fait sortir de la terre, à cause de cette eau qui est descendue du ciel, des fruits comme subsistance pour vous. Donc, après cela, ne donnez pas d'ego à Allah alors que vous savez. C'est-à-dire alors que vous savez tout cela. Et Cheikh al-Imam, l'alim ibn Kathir, rahimallahu ta'ala, qui est connu pour son tafsir ibn Kathir, rahimallahu, qui était l'un des élèves de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimallahu, dit... Le créateur de toutes ces choses est bien celui qui mérite toute adoration. Le créateur de toutes ces choses est bien le seul à mériter l'adoration. Or, les adorations qu'Allah Azza wa Jalla a ordonnées sont différentes, comme par exemple l'islam, l'iman ou l'ihsan, la soumission complète à Allah, la foi, la bienfaisance. Et parmi ces adorations, on trouve aussi l'invocation, la peur, l'espérance, la confiance, le souhait, la crainte, l'appréhension, la peur, le repentir, la supplication, la recherche du refuge, la recherche du secours, le sacrifice et le vœu, et d'autres parmi d'autres adorations, lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné, et elles sont toutes pour Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et la preuve est ce qu'Allah azza wa jalla a dit selon le sens des versets, et les mosquées appartiennent à Allah, et les masajid, les lieux d'adoration appartiennent à Allah, n'invoquez pas un autre avec Allah. Quant à celui qui détourne l'une de ses adorations vers un autre qu'Allah, celui-ci est associateur, est mushrik kafir, associateur mécréant. Et la preuve est ce verset d'Allah, selon le sens des versets, celui qui a un autre, qui adore, qui invoque avec Allah une autre divinité, celui en n'ayant aucune preuve évidente là-dessus, celui-ci, yani sa rétribution, elle sera auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et certes, les peuples mécréants ne réussit pas. Ce qui prouve que tout ce qui est avant dans le verset fait partie du kufr. Puisqu'Allah Azza wa Jalla finit par le verset en disant « La yuflihu al-kafirun » dans le sens que « Maqala Allahu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar » celui qui invoque une autre fausse divinité avec Allah, sans ayant une preuve évidente là-dessus, qu'est-ce qu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala fa innahu la yuflihu al-kafirun » le mécréant ne peut réussir. Donc cela prouve qu'il est sorti de l'islam en ayant invoqué une autre invocation, une autre divinité qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant au hadith ad-du'a mukhul ibada hadithun da'if, c'est un hadith qui est faible. Le hadith qui est sahih c'est ad-du'a al-ibada. Ad-du'a al-ibada. L'invocation c'est l'adoration. Quant au hadith qui est l'invocation c'est le cerveau, yani c'est le mukhul ibada. C'est le cerveau de l'adoration, ça c'est un hadith daif. Celui qui est correct, c'est Ad-du'a al-ibada. Ad-du'a al-ibada. La du'a, c'est l'ibada. C'est-à-dire l'invocation, c'est l'adoration. La preuve, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a mentionné. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Quant à ceux qui s'enorgueillissent face à cette adoration, à mon adoration, ceux-là rentreront au feu. Donc cela prouve qu'il est obligatoire d'invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala. طيب واكسبيكي سو باساج ان شاء الله من اقوال اهل العلم فالرب لو سينيور سي الله تبارك وتعالى هو المعبود c'est-à-dire celui qui mérite de recevoir cette adoration. Pourquoi est-ce qu'Allah تبارك وتعالى il a mentionné dans le verset يا ايها الناس او vous les gens يعني الناس جميعا tous les gens اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. Adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient avant vous. Peut-être atteindriez-vous la piété. Ici Allah tabaraka wa ta'ala, il commence ce verset par بالتوحيد الربوبية. Ce qui va découler توحيد الألوهية. Un homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de lui, cet homme-là, il est arrivé avant la révélation. Lorsqu'il est arrivé, il était à Mecca, lorsqu'il a vu al-mushrikoun min Quraysh en train d'égorger des bêtes pour un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, puisqu'il y avait plus de 360 idoles à la Mecque, dans la Kaaba et autour de la Kaaba. Il est plus vénéré à l'intérieur de la Kaaba. Aujourd'hui, il n'y a rien à l'intérieur de la Kaaba. On entend beaucoup d'histoires, il y a une pierre qui tient toute seule, il y a ça, khurafat. Tout ça, c'est des fausses histoires, c'est des contes et légendes. L'islam, c'est une religion de vérité et de certitude. À l'intérieur de la Kaaba, il n'y a rien. Il y a juste deux ou trois colonnes comme ça, et ça s'arrête là. Elle est vide. Walhamdulillah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui a tout vidé à l'intérieur de la Kaaba, il a fait enlever toutes les idoles, toutes les statues et tout ce qui était vénéré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cet homme-là, il est arrivé. Mais lui, il était à l'al-fitra. C'est-à-dire qu'il ne concevait pas shirk billahi azza wa jalla, le fait que l'on puisse tourner son adoration vers un autre qu'Allah. Pourquoi? Lorsqu'il a parlé à Quraysh, il leur a dit quoi? Il leur a dit, cette bête-là que vous égorgez pour un autre qu'Allah, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a fait descendre la pluie du ciel. Cette pluie a pénétré la terre, elle a fait pousser de l'herbe, ou ce que va manger cet animal. Cet animal vous donne du lait pur, et vous buvez ce lait, et vous trouvez à la finale le moyen de faire quoi? Le moyen de sacrifier cette bête pour un autre qu'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Alors que cet autre qu'Allah azza wa jalla n'est capable de rien. N'est capable de rien. Ça veut dire qu'il a médité sur Ar-Rabb, Allah tabaraka wa ta'ala. Ala rububiyatillahi azza wa jalla. Le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq. Allah azza wa jalla, qu'il est le créateur, qu'il t'a créé toi. Qu'il t'a créé, il a créé des peuples entiers, depuis des générations et des générations. Aujourd'hui, alors même là où on parle, là, il y a des gens qui naissent comme il y a des gens qui meurent. C'est chose facile pour Allah, tabaraka wa ta'ala, de créer. Kun fayakun. Allah, il dit soit la chose elle est. Celui qui a créé une fois, ne peut-il pas créer une deuxième fois? Et une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'à l'infini? Wa ala kulli shayin qadir. Allah tabaraka wa ta'ala donne sa subsistance à toute sa création. Des milliards et des milliards et des milliards de créatures, et chacune a sa subsistance. Chacun a son risque, et personne ne va prendre le risque d'un autre. Wa ala kulli shayin qadir. Tabaraka wa ta'ala. Le nombre de grains de sable, Allah azza wa jalla le sait. Il y a un homme qui voulait réfuter l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la nourriture et l'a laissé pourrir dans un plat. Il a laissé pourrir jusqu'à ce qu'il y ait eu des vers de terre qui sont sortis. Des vers, pas des vers de terre, mais des vers. Hein. Et ce qui fait, le plat était rempli de vers à la fin. Il n'y avait plus de nourriture, tellement ça a moisi. Et cet homme-là, il a dit, c'est moi qui ai créé ça. C'est moi qui l'ai fait moi-même. C'est moi qui ai rempli, c'est moi qui ai laissé, c'est moi qui ai créé ça. Il y avait un mouahid, quelqu'un qui adorait Allah, tabaraka wa ta'ala, bidouni shirk, dans l'assemblée, dans la djelsa. Il lui a dit d'accord. Il lui a dit alors réponds aux questions que je vais te poser. Il lui a dit vas-y pose. Il lui a dit ils sont combien dedans? Il a dit je sais pas. Il y a combien de femelles et il y a combien de mâles? Je sais pas. Ils vont vivre combien de temps? Je sais pas. Donc t'as rien fait. Al-Khaliq, le créateur, Allah, tabaraka wa ta'ala, il connaît sa création mieux que quiconque. Et il peut la reprendre mieux que quiconque. Et c'est lui-même qui décide, pour montrer la perfection de sa création, c'est lui-même Allah tabaraka wa ta'ala qui décide combien de temps va vivre sa créature. Yuhyi wa yumit. Il donne la vie comme il donne la mort. Allah tabaraka wa ta'ala connaît toute sa création mieux que quiconque. Il te connaît mieux que toi tu ne te connais. Plus tu connaîtras Allah, tabaraka wa ta'ala, plus tu vas apprendre à te connaître. Plus tu délaisseras la connaissance d'Allah, azza wa jal, et tu t'oublieras toi-même. Tayyib. Donc ici, dans ce verset, Allah, tabaraka wa ta'ala, a ramené Tawhid à parler de son unicité à lui. Alladhi khalaqakum. Ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Pourquoi adorer un autre qui ne t'a pas créé, subhanallah? Allah Azza wa Jal t'a créé, tous les autres ne t'ont pas créé. Allah Azza wa Jal te donne son risque, ta subsistance, les autres ne te donnent pas de la subsistance. Allah il te donne la vie, les autres ne t'ont pas donné la vie. Allah te donnera la mort, personne ne te donnera la mort. Ce ne sont que des causes. U'budu rabbakum, alladhi khalaqakum. Dans ce cas-là, adorez celui qui vous a créé, et non pas celui qui est créé comme vous. Or, les mouchrikoun al-youm vont encore plus loin. Ils adorent des gens plus faibles qu'eux. Al-amwat. Yad'un al-amwat. Ils invoquent des morts. Tous ces tombeaux que l'on voit dans les pays musulmans, malheureusement, où ils adorent des saints. Ils se mettent à les invoquer, à égorger pour un autre qu'Allah auprès de leur tombe, à faire des tawaf autour de ces tombes. Wali'adu billah. Pourquoi est-ce qu'ils n'invoquent pas Allah Azza wa Jal? Pourquoi est-ce qu'ils n'égorgent pas la bête pour Allah tabaraka wa ta'ala? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas le vœu que pour Allah tabaraka wa ta'ala? Inde Soufiya, certains ont peur de leur chir plus qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Même s'il leur donne un interdit, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il a peur du chir. Il n'ose pas parler sur son chir parce que même s'il n'est plus là, il croit qu'il va l'entendre. Aïna Samir al-Basir. Et celui qui voit et qui entend tout, pour vous, il est où? Wallahu subhanahu wa ta'ala. Toutes ces ibadat, ils les ont tournées vers un autre qu'Allah Azza wa Jal, vers des créatures comme eux, semblables à eux, faibles comme eux, limitées comme eux, et voire plus faibles que eux encore. Au lieu de tourner toutes ces adorations vers Allah Azza wa Jal. Ce qui prouve que Ar-Rabb huwa al-Khaliq wal-Malik wal-Mudabbir li jami' al-Umur. Allah tabaraka wa ta'ala est le Seigneur dans le sens où il est le créateur de chaque chose, où il est le roi de chaque chose. Malik fi mulkihi. Wa ana wa ant wal-Makhluq min mulkillahi azza wa jal. Toi, moi, toute la création, quelle qu'elle soit, chaque créature, quelle qu'elle soit, elle est dans le royaume d'Allah. Et ce royaume a un roi, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa malik fi mulkihi. Maliki yumiddin. Le roi du jour de la rétribution. Lui seul décidera ce jour-là. Malik fi mulkihi. Jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala donnera la mort à toute créature. Le jour de la résurrection, donnera la mort à toutes les créatures. Et là, il demandera, il redeviendra comme il était au début. Seul. Seul. Et là, il dira, où sont les rois? Et il n'y a qu'un seul roi, c'est Allah Azza wa Jal. Ça, c'est l'orgueil d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ou al-mutakabbir. Or, cette sifa, seul Allah Azza wa Jal la détient. L'orgueil, seul Allah subhanahu wa ta'ala détient l'orgueil. Aucune créature ne peut être orgueilleuse. Comme l'a mentionné le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, في الحديث القدسي والله عز وجل a mentionné, a dit, l'orgueil m'appartient, celui qui le partage avec moi, je le brise. Al-kibr min sifati rabbil alamin, min sifati Allah عز وجل wa huwa kamil fi sifatihi wa fi asmaihi. Or chez Allah عز وجل l'orgueil c'est une perfection, or chez l'être humain c'est une imperfection. Donc Allah tabaraka wa ta'ala est roi dans son royaume et il gère ce royaume de la manière qu'il le veut. Donc si Allah Azza wa Jal vous a créé ceux qui étaient avant vous. Il vous a fait la terre comme un lit. Le firash. Il y a à l'époque des salafs hein, qui juraient et qui avaient dit par Allah. Il a joué justement par rapport à ce verset. Yani il a joué entre parenthèses. Il disait par Allah que ce soir je dors pas dans un lit. Que ce soir je dors dans un lit. Et le soir venu, ils l'ont trouvé en train de dormir par terre. Ils lui ont dit subhanallah, taqillah. T'avais juré que tu dormirais pas sur un lit et là tu dors par terre. Que tu dormirais sur un lit et là tu dors par terre. Et il leur a récité ce verset. Ja'ala lakumul arda firasha. Allah vous a fait la terre comme un lit, yani, pour que vous soyez dessus. Si Allah Azza wa Jal, tu es convaincu qu'il a créé les cieux et que de ces cieux il fait descendre de l'eau qui pénètre une terre et qui fait pousser hein, de bons fruits et de bonnes choses pour nous. Alors pourquoi adorer un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal mentionne à la fin du verset « فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » Pourquoi ne donnez pas des égaux à Allah alors que vous savez « وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » Lequel d'entre nous ici, il ne sait pas que c'est Allah, tabaraka wa ta'ala, qui l'a créé? Lequel d'entre nous, il ne sait pas que toute sa confiance, il faut la mettre sur Allah, azza wa jal? Lequel d'entre nous, il ne sait pas que quand tu espères en Allah, azza wa jal? Et pourtant, quand vient l'ibtila min Allah, azza wa jal, quand vient l'épreuve, les épreuves de la vie, de cette vie d'ici-bas, combien d'entre nous réagissent selon ce qu'ils ont appris? Est-ce qu'ils reviennent à Allah tabaraka wa ta'ala en premier ou bien ils reviennent vers des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala qui sont limitées comme eux? Et que même s'ils veulent t'aider, leur faut la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Muwahid, awwalan yad'u Allah azza wa jal. C'est sa aqida qui est comme ça. Al-Sidq, il a cette véracité dans le cœur qui fait que il est exactement à l'extérieur comme il est à l'intérieur. Ses paroles, ses actions sont conformes à sa aqida et à son manhaj. Mais si l'aqida n'est pas ancrée dans le cœur, alors quand viendra l'ibtila, quand viendra l'épreuve, la tempête comme on dit, il y a ceux qui resteront debout, il y a ceux qui seront balayés par cette tempête. Pourquoi ? Parce qu'il y a ceux qui ont sitr, qui sont véridiques dans leur aqida, dans leur croyance et dans leur manhaj. Et il y a ceux qui ne le sont pas, qui ne sont pas assez forts là-dessus. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Alors que vous savez tout ça. Pourquoi cherchez-vous des égaux à Allah alors que vous savez tout cela? Et vous savez qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas d'égo et n'en aura jamais. Allah subhanahu wa ta'ala huwa wahdahu la sharika la. Ibn Kathir rahimahullah, par rapport à ce verset, a mentionné Al-Khaliq li hadhihi al-ashya, le créateur de toutes ces choses, huwa al-mustahiqqu lil-ibada. Ibn Kathir rahimahullah a expliqué ce verset en disant que celui qui a créé toutes ces choses-là, eh bien, il est bien le seul digne d'être en droit, d'être adoré. Ma ma'na la ilaha illallah, la ma'abouda bi haqqin illallah. Wa ba'da al-mubtadi'a, hum yaquloun, la ilaha mawjoud illallah. Khata. Ils expliquent, nulle divinité qui existe à part Allah. C'est comme ça qu'ils expliquent, la ilaha illallah. Hum ashabu wahdat al-wujud. Ceux qui disent qu'Allah est partout. Quand chacun d'entre nous, il y a une partie d'Allah. Comme il a ramené un grand soufi de l'époque, Ibn Arabi. Pas Ibn al-Arabi, qui lui était min Ahl Sunnah, mais Ibn Arabi, qui est celui qui a ramené cette chose-là, Wahdatul Wujud, le fait qu'Allah est partout. Et dans combien de gens on entend? Lorsque tu lui demandes « Aïn Allah ?» Allah, il est où? Il te dit « Allah, il est partout. » Allah fait kulli makan. Wallah, il est ajib. Si Allah, il est dans chacun d'entre nous, il y a une partie d'Allah dans chacun d'entre nous. Ça veut dire que quand il y en a un d'entre nous qui meurt, il y a une partie d'Allah qui part. Tu viens de rabaisser ton Seigneur. Allah, tabaraka wa ta'ala. Les lieux d'impureté, Allah, azza wa jal, seraient dedans. Baytul khala, al-kalb, wal-khinzir. Le chien, le porc, tu vas me dire qu'Allah azawajal est dans ces créatures-là? Allah al-musta'an. Ça, c'est insulter Allah tabaraka wa ta'ala. Fi sahih muslim. Qala an-nabiyu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam il mar'a. Qala, ayna Allah? Man ana? Qalat, anta rasulullah. Qala, man ana? Qalat, Allahu fi s-sama'. Fi sahih muslim. Hadith sahih. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي مؤمنة مؤمنة يعني عقيدتها صحيحة. Jamais un prophète ne laisse passer une erreur devant lui sans la corriger. Si elle aurait eu faux, il l'aurait corrigé. Et en plus, il n'a fait que confirmer puisqu'il a dit c'est une croyante. La première question qu'il lui a posée, je suis qui? Elle a dit tu es le messager d'Allah. La deuxième question, il lui a dit où est Allah? Elle a dit Allah est au-dessus des cieux. Fi bil ma'na ala. Nous on est fil ard. Est-ce qu'on est dakhal à l'intérieur? Sous la terre? Non. Fi bi ma'na ala. Wa laysa kimithlihi shay. Et rien ne ressemble à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa istawa ala al-arsh. Allah est élevé au-dessus de son trône. Quand tu vas voir nos grands-mères et nos grands-pères, quand ils font une dua, ils regardent où? Ils regardent par terre. Chacun d'entre nous qui est d'origine musulmane, pour ceux qui sont d'origine musulmane, lorsqu'il voit sa grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait? Ya Rabbi. Ya Rabbi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lève les mains. Quand tu fais le doa, tu lèves tes mains ou tu mets tes mains vers le sol? Ou à droite? Ou à gauche? Chacun d'entre nous qui fait le doa, bien sûr qu'il lève les mains vers, et la sama, vers le ciel. Wa fi sujoud, subhana rabbiya al-a'la, l'élevé. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala descend dans le dernier tiers. S'il descend, c'est qu'il est à une place élevée. Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ba'd al-mubtadi'a, certains parmi les innovateurs ont dit, vous faites ressembler Allah à la création, à sa création, parce que vous lui donnez une place. Parce que vous lui donnez une place. Et quand tu leur dis à eux, Allah, aïn Allah, Allah il est où pour vous? Allah il est ni en haut, ni en bas, ni à droite, ni à gauche. Comme il a répondu Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, hada al-adam, ça c'est la définition du néant. Ce sont des gens qui ont perdu leur Seigneur. Et nulle part. Subhanallah. La ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Wa la ilaha mawjoud illallah, khata. Celui qui dit n'existe pas de divinité à part Allah. C'est faux. Il y a des divinités. Des gens adorent un autre qu'Allah. Ashabul Quraysh. Ashab Quraysh. Ils ont invoqué un autre qu'Allah. Ils avaient des fausses divinités. Il y a des divinités, mais elles sont fausses. Voilà pourquoi tu aurais obligé de rajouter la ma'bouda bihaq illallah. Nul n'est digne d'être adoré par la vérité qu'Allah. Quant aux autres, ils sont adorés par bilbatl, par le faux. Mais ils sont adorés. Donc les divinités existent, mais il n'y en a qu'une qui mérite l'adoration. وقال بعضهم معنى لا إله إلا الله لا حك لا حاكم أو لا حكم إلا لله. Il n'y a pas de jugement que par le jugement d'Allah. أصحاب جماعة التكفير والخوارج. Ils ont expliqué لا إله إلا الله par quoi? Il n'y a pas de jugement à part celui d'Allah. Ça fait partie de لا إله إلا الله, mais ce n'est pas que ça. معنى لا إله إلا الله. Et beaucoup d'innovateurs ont expliqué La ilaha illallah à leur manière. D'autres ont mentionné La ilaha illallah, c'est de sortir l'yaqin, la certitude de cette dunya pour faire rentrer la certitude de l'akhira. Ka jama'at al-tabligh. Naam. La ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Wahdahu la sharika la. C'est ça le vrai sens de La ilaha illallah. La ilaha, aucune divinité ne mérite l'adoration, à part une seule. Elles existent, ces fausses divinités, mais une seule mérite l'adoration. Allah tabaraka wa ta'ala, bihaq, alors que les autres, elles sont adorées, bilbadl, par le faux. Et c'est pour ça que les prophètes sont venus. Les prophètes ne sont pas venus pour dire, regardez comment Allah il a créé les cieux, la terre, les montagnes et compagnie. Non. Les prophètes sont venus pour montrer la manière d'adorer Allah. كيف تعبد ربك? Comment tu adores ton Seigneur? Voilà pourquoi sont venus les prophètes. Alim salat wa salam. Donc, comme l'a dit Ibn Kathir, rahimallah, celui qui mérite véritablement l'adoration, c'est celui qui a tout créé. Ces fausses divinités, elles sont elles-mêmes. Elles sont quoi? Créées, makhlouq. Des gens adorent Iblis. A'udhu billahi minhu. Ou un makhlouq. Des gens adorent des anges. Makhlouq. Des gens adorent des djinns. Makhlouq. Des gens adorent d'autres êtres humains. Des gens adorent des statues, des arbres. Kulluhum. Makhlouqat. Tous ce sont des créatures. Alors pourquoi ne pas délaisser toutes ces créatures pour Al-Khaliq. Pour le créateur, Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que le Mouahid, lui, il voit ça avant tout le monde. Pourquoi adorer un autre qu'Allah? Pourquoi espérer en un autre qu'Allah? Pourquoi avoir peur d'un autre qu'Allah? Pourquoi placer ma confiance en un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala? Awalan, en premier. Est-ce qu'Allah, azza wa jalla, n'est-il pas capable de tout? Tous les récits que vous avez lus dans la vie des prophètes, ça ne vous suffit pas? La mer ouverte en deux? Qui l'aurait cru, ça? Qui s'attendait à ça? L'armée de Pharaon qui va tout droit, armée sur des femmes, des faibles et des enfants et des vieillards, plus des hommes. Et ils sont coincés. Derrière, c'est quoi? C'est la mer. Et pourtant, Moussa, alayhi salatu wassalam, n'a pas paniqué. Yattawakkul Allah azza wa jal. Tu ne vas pas apprendre un prophète à avoir la confiance en Allah. Est-ce qu'il savait à l'avance comment il allait s'en sortir? Si Allah azza wa jal l'en informe, oui. Si Allah tabaraka wa ta'ala ne l'en informe pas, non. Et il lui a ouvert la mer en deux, avec 12 chemins et un chemin pour chaque tribu, puisque les Bani Israël étaient en 12 tribus. Yattawakkul Allah azza wa jal. Et à ce moment-là, il y a eu ceux qui étaient faibles de foi, qui ont commencé à se retourner, sans compter Al-Munafiqoun, des hypocrites qui étaient là, qui en vérité ne rêvaient de retourner en Égypte, parce qu'on leur avait promis des trésors et de grandes places. Et qui commençaient à engrainer les plus faibles avec eux. Et pourtant, Allah tabaraka wa ta'ala les a sauvés. Ibrahim alayhi salatu wa salam, dans un feu. Le feu, c'est une créature. Le Créateur domine sa créature. Il fait ce qu'il veut de sa créature. Et pourtant, Allah tabaraka wa ta'ala a demandé à ce vœu qu'il soit non seulement froid, mais salam, c'est-à-dire froid et en plus doux. Froid et doux. Allah azza wa jalla a créé ce feu. Il en fait ce qu'il veut. La créature a voulu faire une chose avec ce feu, mais Allah tabaraka wa ta'ala qui a créé ce feu et cette créature a décidé autrement. Les récits des prophètes, ce n'est pas fait pour raconter, pour s'endormir. C'est fait pour être compris et appliqué. Alayhim salatu wassalam. Wa anwa'u al-ibadah. Donc les adorations sont différentes les unes des autres. Parmi celles-ci, on trouve l'islam, wal-iman et l'ihsan. Hiya ad-din. Kama ja'a dhalika fima rawu l'imam muslim rahimahullah min hadith Omar ibn Khattab radiallahu an. Le hadith que vous connaissez tous, le hadith de Jibril. Lorsque Jibril est venu sous forme humaine au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit informe-moi sur l'islam, informe-moi sur la foi, informe-moi sur l'ihsan. Et le hadith qui est connu que l'on appelle Sunnah, comme le Fatiha qu'on appelle al-Qur'an, al-Kitab. Ce hadith-là, on l'appelle Sunnah. Tout ce qui porte le nom de ça veut dire qu'il englobe beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'on appelle le Fatiha al-Qur'an, al-Kitab? Parce qu'elle renferme tout le Qur'an. Le Qur'an, kulluhu fil Fatiha. Le Fatiha, c'est un ensemble. Et c'est le Qur'an qui va expliquer cet ensemble, qui est le Fatiha. كذلك في السنة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حديث جبريل حديث السنة ما tout le reste de la sunna va expliquer ce hadith. Pourquoi السنة? Parce que dans ce hadith tu as l'islam entier, tu as les cinq piliers, les six piliers de la foi et le haut degré au-dessus de la foi. Tu as l'islam qui est compris dans ce hadith. Il fait partie min usul sunna, min usul islam, parmi les bases de la sunna, parmi les bases de la religion, ce hadith, hadith Jibril, que l'on ne va pas lire, vous l'avez déjà lu en général, et vous pourrez y retourner, bi'idhnillahi ta'ala. Wa kullu ma amara Allahu azza wa jal, fa huwa ibad. Tout ce qu'Allah ordonne dans le livre, le kitab, le Qur'an, ou bien dans la sunna, sache que c'est une ibad. Sache que c'est quoi? Une ibad. Quand Allah Azza wa Jalla ordonne une chose dans le Coran, c'est une ibad. Quand Allah Tabaraka wa Ta'ala ordonne une chose à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien par la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une ibad. C'est une ibad. As-siwak, ibad. Naam. Pourquoi est-ce qu'on a dit siwak? Parce que pour beaucoup de gens, siwak c'est rien. Comme certains, ils ont voulu l'appeler, ça c'est des épluchures. Wali'adhu billah. Hadi sunna. Le premier à avoir fait siwak, c'est qui? Hein? Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa hadi sunnatu nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadi sunna ibada. C'est une ibada. Ça rentre dans l'ibada. Le prophète il le faisait. Avant la prière, en rentrant chez lui, le matin en se réveillant, et à d'autres moments. Chaque sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, ou dit, ou laisser faire, c'est une ibad. Celui qui dit que c'est des épluchures, alors il dit que l'ibad, c'est une épluchure. Wali'adhu billah. Les jeunes ne savent pas ce qu'ils disent. Ils n'ont pas compris vraiment la gravité de ces paroles qui sortent de leur bouche. Et ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent d'autres gens avec eux. Donc celui qui tourne ses ibadah, comme l'invocation, la peur, l'espérance, la confiance, le souhait, la crainte, la recherche du secours, la recherche du refuge, la supplication, le repentir, le vœu et autres, celui qui tourne ses adorations vers un autre qu'Allah, il a commis الشرك بالله عز وجل. Et ce qui prouve que toute l'adoration ne doit appartenir qu'à Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est ce verset. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ يَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخَرَ. Celui qui invoque un autre avec Allah, un autre avec Allah, لَبُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. هذا كفر لكن ليس من كفر فهو كافر وليس من أشرك فهو مشرك وليس من أحدث فهو مبتدع لا faut pas tomber dans ce piège là qui est à l'extrême. Ahl sunna ils sont juste au milieu. Ce n'est pas celui qui fait un kufr qu'il est forcément sorti de l'islam. C'est pas celui qui fait un acte ou une parole de mécréance qu'il est sorti de l'islam. Ce n'est pas celui qui fait un acte de shirk ou une parole de shirk qu'il est forcément sorti de l'islam. Ce n'est pas celui qui a innové qu'il est forcément sorti de l'islam. Ou qu'il est forcément mubtadi', innovateur. حَتَّى تَقُومَ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ. Jusqu'à ce que l'épreuve lui soit parvenue. Mu'adh, radiallahu anhu, sajada ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mu'adh, une fois il est revenu, il a fait un sujoud, une prosternation devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ya Mu'ad. Il dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça, ya Mu'ad? Il dit, j'ai vu des gens nobles. Et les gens nobles, de chez eux, et bien les autres personnes qui les respectent se prosternent devant eux. Moi j'estime que tu es plus noble que eux. Et il s'est prosterné devant le prophète. Bitta'wil. Il a fait quoi? Une interprétation. Même si elle est mauvaise, il a interprété. Et le prophète l'a rectifié, lui a dit non. As-sujud illa lillah. La prosternation n'appartient qu'à Allah. Ce qu'il a fait, hada, amalu shirk awla. Shirk billah. Celui qui se prosterne devant un autre qu'Allah. C'est du shirk. Mais lui, il a fait bitta'wil. Il a interprété. Ce qui fait qu'il ne sort pas de la religion. Wa huwa mu'adh, radallahu an, min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alim min al-ulama. Un savant parmi les savants. Mais il a fait un ta'wil, il a interprété. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu une femme faire un chant religieux. Elle a mentionné dans ce chant qu'Allah et son prophète savent ce qui va se passer le lendemain. Et le prophète, lorsqu'il a entendu ça, il a dit non. Allah wahdahu. Seul Allah sait ce qui va se passer le lendemain. Rectifie ton chant. Il a entendu kalimat shirk, mais il a corrigé. Une fois le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu un sahabi juré par un autre qu'Allah. Il lui a dit, قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Dis la ilaha illallah. Yani pour rectifier ce que tu as dit. Est-ce qu'il l'a rendu mushrik? Est-ce qu'il a rendu kafir ces personnes-là? Là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ta'wil. Ou bien il y a eu le khata. Il y a eu une erreur. لَيْسَ مَنْ أَشَرَكَ فَهُوَ مُشْرِكِ. Il ne faut pas tomber dans ce piège de la règle, c'est une règle. من يدعو غير الله عز وجل فهو مشرك كافر. Celui qui invoque un autre qu'Allah, ça c'est la règle, le hukm. Mais pour le mu'ayyin, ça c'est la règle générale. Mais pour l'appliquer sur quelqu'un de bien précis, ça il va falloir voir avec la personne. Il y a des gens pour qui égorger une bête pour un autre qu'Allah, c'est tout à fait normal, parce qu'il a appris ça depuis tout petit. Il l'a appris de son père et de son grand-père et de son arrière-grand-père. Ça se fait depuis des générations. Ça se fait depuis des générations. Jusqu'à ce que l'épreuve lui parvienne, et là il se dit, A'udhu billah. Je ne savais pas que ça rentrait dans shirk billah, je ne savais même pas que c'était interdit. Pourquoi? Parce que l'épreuve lui est parvenue. Kana jahilan. Moussa alayhi salatu wa salam, lorsqu'il est redescendu de la montagne, jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui donne la révélation, et il a laissé pendant 40 nuits son peuple en bas de la montagne. Lorsqu'il descend du mont Sinaï, Tour, qu'est-ce qu'il dit à son peuple? Vous êtes un peuple? بِقَوْمٍ جَاهِلِينَ. Vous êtes un peuple ignorant. هَلْ قَالَ كَافِرُونَ أَوْ مُشْرِكُونَ. Là. Vous êtes certains peuples? Vous êtes certains peuples d'ignorants. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vénéré un veau d'or. وَلِيَعْذُ بِاللَّهِ. Un veau d'or. هَذَا شِرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Jusqu'à ce que Ibn Arabi, celui dont on a parlé tout à l'heure, et qui voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala est partout, il a dit, les Bani Israël à ce moment-là, ils n'ont pas fait shirk. Comme Allah, il est partout, il était dans le veau d'or. Donc, en quelque sorte, ils ont adoré Allah. A'udhu billah. Chouf al-dalal. Dhulumat al-shirk. Donc, Moussa n'a pas rendu mushrik, son peuple, et pourtant, ils ont fait un veau d'or. Parce qu'ils ont fait ça avec de l'ignorance. Il va falloir que l'épreuve lui soit parvenue. Il va falloir que l'épreuve lui soit parvenue sur la personne. Comme a dit l'imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, fi kitabih al-aqidat al-Tahawiyya, la nukaffiru ahadan min ahli al-qibla. Nous ne rendons mécréants aucune personne des gens de la qibla, c'est-à-dire parmi les musulmans. Al-muslim huwa muslim, hatta taqum l'hujja annahu kafir ou mushrik. Un musulman, il est musulman jusqu'à ce que la preuve du contraire nous parvienne. Et un non-musulman n'est pas musulman jusqu'à ce que la preuve du contraire nous parvienne. Tayyib. Donc le hadith, pour commencer sur l'ibada, le hadith, الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف والصحيح الدعاء العبادة. La dua, c'est l'ibada, c'est une adoration. Cela prouve que la dua fait partie des adorations. C'est une adoration qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mentionnée. Jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans le hadith, غضب الله, Allah Azza wa Jal s'énerve sur celui qui n'invoque pas. Allah tabaraka wa ta'ala aime que tu l'invoques et il n'aime pas que tu n'invoques pas. Le fait qu'Allah Azza wa Jal, tu encours la colère d'Allah dans le fait de ne pas l'invoquer, cela prouve que c'est obligatoire d'invoquer. Cela prouve que c'est obligatoire de faire ad-du'a. Les gens, regarde les gens. Les gens, plus tu leur demandes, plus ça les énerve. Sahih. Jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans le hadith, dans un hadith qui est rapporté, où un homme il est venu le voir, il lui a dit, donne-moi une chose pour avoir la satisfaction d'Allah et une autre chose pour avoir la satisfaction des gens. Et dans la phase de satisfaction des gens, il lui a dit, ne demande pas aux gens. Ça satisfait les gens. Allah tabaraka wa ta'ala, al-aqs, c'est le contraire. Plus tu lui demandes, plus il aime. Ce qui prouve sa perfection. Et ce qui prouve notre imperfection. Plus on nous demande, moins on aime qu'on nous demande. On aime bien demander aux autres, mais on n'aime pas qu'on nous demande. Allah tabaraka wa ta'ala, lui, il n'aime pas qu'on ne lui demande pas. Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a. Donc tu te dois de faire des du'a. Beaucoup d'invocations. Et pour toute chose. Et le fait, ce qui montre dans le verset, dans le Coran, ce qui montre, ce qui prouve que l'invocation fait partie de l'ibada. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ كَلِمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Ce verset-là, vous le lisez. Vous le lisez plusieurs fois, au minimum, vous le lisez une fois par Ramadan, puisque c'est le mois du Coran, au moins vous l'entendez. Il y en a combien d'entre nous qui, dans un moment de panique, se mettent à invoquer Allah عز وجل? Et même pour ceux qui invoquent, il y en a qui invoquent et qui, en vérité, au fond de leur cœur, ils se disent, je demande, mais bon, ça passe pas. Naqsu fil iman. Allah Azza wa Jal ne t'a-t-il pas dit? C'est un pacte ici, qu'Allah Azza wa Jal passe avec sa créature. Wa qala rabbukum. Ar-Rabb, celui qui t'a créé, celui qui est roi dans son royaume, celui qui détient son royaume, qui fait ce que tu veux, ce qu'il veut de son royaume. Ud'uni astajib lakum. Invoquez-moi. Et je vous exauce. Kalam Allah Azza wa Jal. Est-ce que quand tu lis le Coran, tu es bien persuadé que c'est bien la parole d'Allah? Que c'est bien Allah tabaraka wa ta'ala qui parle? Est-ce que ça c'est rentré fil qalb? Quand on parle d'apprendre la connaissance d'Allah, c'est qui Allah tabaraka wa ta'ala? C'est quoi le tawhid? Quelqu'un qui n'a pas compris c'est quoi le tawhid, il n'a pas compris l'islam. Quelqu'un qui n'est pas sur un manhaj salaf ou salih, manhaj ashab nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam radiallahu ta'ala anhum, ma yafham l'islam. Comment veux-tu comprendre l'islam si tu ne comprends pas l'islam comme ceux qui ont le mieux compris avant nous, les sahaba? Comment? Vous voulez réunir les musulmans? Vous vous réunissez les musulmans à l'al-batil, sur du faux. Vous voulez réunir les musulmans sur une chose que ni Allah, ni son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a réuni les musulmans là-dessus. Sur quoi Allah, tabaraka wa ta'ala, a-t-il réuni les musulmans? Les sahaba les a réunis sur quoi? Autour de son prophète, alayhi salatu wa sallam. Ala al-tawhid wa sunnah. Ala kitabillah wa sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bifham al-salaf. Bifham al-sahaba. Radiallahu ta'ala anhum. Wadih. C'est une chose simple. Mais c'est tellement simple que les gens ne le font pas, ne suivent pas. Qala rabbukum ud'uni yastajib lakum. Invoquez-moi, je vous exauce. Ceux qui ne veulent pas invoquer, donc ça veut dire que s'ils n'invoquent pas, ça veut dire qu'ils ne font pas quoi? Al-ibada. Qu'ils ne font pas l'adoration, puisque l'invocation fait partie de l'adoration. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati. Quant à ceux qui ont de l'orgueil sur mon adoration, ماذا قال الله جل وعلا سيدخلون جهنم داخرين. Ils veulent pas adorer, ils veulent pas invoquer, donc ils veulent pas adorer, ceux-là rentreront في نار الجهنم والعياذ بالله. Leur destination c'est le feu. Pourquoi? يستكبرون الكفر الاستكبار, c'est-à-dire il a la mécréance de l'orgueil. Ça veut dire qu'il délaisse l'ibada, il délaisse pourquoi? Par orgueil. Il sait la vérité, mais par orgueil, il la refuse. Comme Iblis, awwalan. Fastakbara wa kana min al-kafirin. Qala Allahu jalla wa ala. Et il s'est enorgueilli et il fut parmi les mécréants. Comme Pharaon. Pharaon, il savait très bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'était lui, Rabbul Alamin. Il le savait, mais bil kibr. Il s'est enorgueilli, il a donc rejeté cette chose-là. Le fait de reconnaître qu'Allah tabaraka wa ta'ala était bien huwa rabbul alamin, et c'est lui qui a voulu se donner ce titre-là. Walhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu li wa lakum, wallahu ta'ala a'lam.